Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumé du Pré 1860. Question 105. Du changement que Dieu fait subir aux créatures par lui-même. Action de Dieu sur la matière, sur les corps, sur l'intellect, sur la volonté, sur tout être qui opère. Notion des miracles. On les divise en trois ordres. 1. Dieu peut-il imprimer immédiatement des formes à la matière? Dieu, dit l'Écriture, forma le corps de l'homme du limon de la terre. Genèse 11, 7. Dieu peut donc immédiatement donner une forme à la matière. Il est très clair, en effet, que la puissance divine, qui a sous son pouvoir la matière qu'elle a produite, peut la faire exister sous telle forme qu'elle voudra. 2. Dieu peut-il mouvoir immédiatement un corps? L'œuvre des six jours ne laisse aucun doute à cet égard. N'appartient-il pas à celui qui a créé la matière de conduire un corps vers la forme, et de produire le mouvement qui suit une forme existante? Quelle erreur de dire que Dieu ne peut pas produire par lui-même tous les effets particuliers qui sont attachés à des causes créées. Il ne touche ni n'est touché, mais il peut agir virtuellement sur les créatures et les mouvoir d'une manière conforme à sa nature. 3. Dieu peut-il mouvoir les intelligences créées? Celui qui enseigne meut l'intelligence de celui qui apprend. Or, Dieu enseigne la science aux hommes. Psaume 93, 10. Donc il peut mouvoir l'intelligence humaine. En effet, il est la première intelligence, et toute vertu intellectuelle vient de lui, il est le premier être, et tous les êtres préexistent en lui comme dans leur première cause. Il contient par là même les types intelligibles de toutes les choses, et nos intelligences les reçoivent de lui pour entrer en exercice, aussi bien que pour subsister réellement. Ainsi, Dieu meut les intelligences créées, soit en leur donnant leur vertu intellectuelle, naturelle ou surajoutée, soit en leur imprimant les ressemblances ou espèces intelligibles des êtres. 4. Dieu peut-il mouvoir la volonté? C'est Dieu, dit l'apôtre, qui opère en nous le vouloir et le faire, c'est-à-dire la volonté et l'action. Philippiens 2, 13. La volonté est mue par son objet, qui est le bien, mais elle n'est mue souverainement que par le bien universel, c'est-à-dire par Dieu, qui seul peut la satisfaire et la mouvoir comme son objet propre. Dieu seul, en effet, produit, comme créateur, la volonté elle-même, et, comme premier moteur, notre inclination vers le bien. À lui seul donc il appartient de mouvoir efficacement la volonté, soit en la produisant comme cause, soit en l'inclinant intérieurement vers un objet. Note. Dieu ne force pas la volonté en la mouvant, mais il lui donne l'inclination à vouloir. La volonté se meut volontairement elle-même sous l'impulsion divine, aussi ses œuvres lui sont-elles imputées à mérite ou à démérite. Se mouvoir de soi et être mu par un autre ne sont pas des choses incompatibles. Fin de la note. 5. Dieu opère-t-il dans tout être qui opère? Dieu opère dans tout agent. Seigneur, vous avez opéré dans toutes nos œuvres, disait un jour Isaïe 26, 12. Il ne faut pas entendre toutefois que les agents soient dépouillés de leurs opérations propres. Dieu opère dans tous les êtres finalement, puisque toute œuvre a pour but un bien quelconque, effectivement, comme la première cause qui a donné la vertu aux causes secondes, formellement, en maintenant les agents dans leur être. De cette sorte, il est l'agent le plus intime dans toutes les opérations possibles, comme il est la cause de ce qu'il y a de plus profond dans les choses. C'est sur ce fondement que les livres saints lui attribuent toutes les opérations de la nature. Mais, encore une fois, cela ne signifie pas que l'action des agents secondaires soit nulle ou superflue. Note. Dieu n'opère pas dans les agents de manière à ce qu'ils n'opèrent pas eux-mêmes, il opère dans tous comme cause finale, effective et formelle, mais sans empêcher leur action propre. Les philosophes qui ont dit, ce n'est pas le feu qui échauffe, c'est Dieu qui échauffe dans le feu, sont allés trop loin, ce serait retrancher des choses, créer les rapports des causes avec les effets, et accuser le Créateur d'impuissance, comme s'il n'avait pas pu communiquer à ses créatures une vertu réelle pour opérer. Fin de la note. 6. Dieu peut-il agir en dehors du cours ordinaire de la nature? Dieu n'est pas soumis à l'ordre des causes secondes, c'est, au contraire, cet ordre qui dépend de lui, parce qu'il en procède. Dieu, qui l'a fondé, non par nécessité de nature, mais par un acte libre de sa volonté, aurait pu en établir un autre, il peut, conséquemment, agir en dehors de cet ordre librement constitué, soit en produisant, sans les causes secondes, les effets de ces mêmes causes, soit en réalisant certains effets auxquels les causes secondes ne s'étendent pas. Ainsi Dieu peut agir en dehors du cours accoutumé de la nature. Note. Il ne servirait à rien de nous objecter que, si Dieu faisait quelque chose en dehors de l'ordre naturel, il serait lui-même assujetti au changement. En imprimant aux créatures un ordre déterminé, il s'est réservé le droit d'y déroger, lorsqu'il le jugerait convenable. User de ce droit, ce n'est pas changer. Fin de la note. 7. Toutes les choses que Dieu fait en dehors de l'ordre naturel sont-elles des miracles? Les choses que Dieu fait contre le cours ordinaire et connu de la nature, répond saint Augustin, nous les appelons merveilleuses ou miraculeuses. Le miracle, comme son nom l'indique, est une œuvre qui nous frappe d'admiration. Or, ce qui excite l'admiration, c'est toujours un effet dont on ignore la cause. Le vrai miracle est une œuvre digne d'admiration à raison de sa cause qui reste cachée, non pas seulement pour quelques personnes, comme serait une éclipse de soleil, que les uns admirent et qui n'a rien de surprenant pour les autres, mais cachée absolument et pour tout le monde, car une telle cause, c'est Dieu. Il suit de là que nous devons appeler miracle les choses que Dieu fait en dehors des causes qui nous sont connues, c'est-à-dire de l'ordre naturel. Note. La création des êtres et la justification de l'impie, que Dieu seul peut opérer, ne sont pas, à proprement parler, des miracles, parce qu'elles ne sont pas de nature à être produites par d'autres causes. Comme elles ne rentrent pas dans l'ordre physique, elles ne se produisent pas contre l'ordre naturel. On définit parfois le miracle une chose difficile, insolite, surpassant les forces de la nature et capable d'étonner celui qui en est témoin, difficile, par cela même qu'elle est au-dessus de la nature, insolite, puisqu'elle arrive contre le cours ordinaire des choses, surpassant les forces de la nature, soit par sa substance, soit par l'ordre et le mode qui préside à son accomplissement, capable d'étonner, en tant qu'elle dépasse l'attente naturelle du spectateur, mais non pas son espérance fondée sur la foi. Dans tous les cas, le miracle est une chose qui frappe les sens. Si la science des apôtres fut considérée avec raison comme un vrai miracle, c'est qu'elle se manifestait par des effets sensibles. Fin de la note. 8. Un miracle est-il plus grand qu'un autre? Un miracle peut-être plus grand qu'un autre, suivant ces paroles du Sauveur, les œuvres que je fais, celui qui croit en moi les fera, et il en fera même de plus grandes. Jean 14, 12. Pour la puissance divine elle-même, il n'y a pas de miracle. Un effet, si grand qu'il soit, n'est rien pour elle. Les nations, dit Isaïe, sont devant Dieu comme une goutte d'eau dans un grand vase, ou comme un grain de sable dans une balance. Isaïe 40, 15. Les miracles ne sont tels que par rapport aux forces de la nature, qu'ils dépassent. Mais aussi plus ils sont au-dessus de ces forces, plus ils sont grands pour nous. Une œuvre peut dépasser de trois manières les forces de la nature. Premièrement, par la substance même du fait. Le mouvement rétrograde du soleil, l'existence simultanée de deux corps dans le même lieu, voilà des miracles du premier ordre, la nature ne pouvant en aucune façon produire de tels effets. En second lieu, une chose dépasse les forces de la nature, non quant au fait lui-même, mais quant au sujet dans lequel elle s'accomplit. La résurrection des morts, la guérison des aveugles et autres œuvres semblables, sont des miracles du second ordre, parce que la nature peut produire la vie, mais non chez les morts, la vue, mais non chez les aveugles. Une chose, en troisième lieu, dépasse les forces de la nature par l'ordre et la manière dont elle se produit. Ainsi, quand quelqu'un est guéri de la fièvre par la vertu divine, tout à coup et sans remède, ou que l'air, par la même vertu, se condense en pluie sans l'intervention d'aucune cause naturelle, comme cela eut lieu à la prière de Samuel et d'Élie, ce sont des miracles du dernier ordre. Les miracles de chaque ordre peuvent être aussi plus ou moins grands selon qu'ils dépassent plus ou moins les forces de la nature. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.